body kakane mambo dita Kini zoge Wamo wano de Ayamu ye mae Somba ima so maneta CBS Mambo dita Doo to ima Wamo wano de Ayamu ye mae Somba ima so maneta CBS Mambo dita Mananje Je ne veux pas vivre sans toi Oh, baby.